Introduction. Beaucoup de personnes, dès qu'elles ont eu connaissance des guérisons du cancer, obtenues par la méthode que nous allons exposer dans ce petit livre, ont demandé s'il était possible d'en divulguer le secret. La forme proposée est donc ce travail que, avec bienveillance, je vais soumettre à votre lecture. Honnêtement, je n'ai pas la prétention d'être, comme le créateur ou l'inventeur de cette méthode, encore moins de me présenter en pionnier, ou en d'autres mots, comme le premier qui ait appliqué cette formule avec des résultats positifs. Cela ne correspondrait en effet à aucune vérité. D'autres personnes, bien avant moi, devraient s'arroger, justement, ce droit. Ce petit livre ne veut qu'être le véhicule de divulgation de cette méthode, qui s'est révélée d'une grande efficacité en plusieurs occasions. Moi, je n'ai que le mérite de l'avoir divulguée. Ce qui va suivre dans ces quelques pages, est seulement le témoignage d'une pratique ayant donné des résultats positifs en d'innombrables cas. Cette pratique, je l'ai appliquée moi-même et beaucoup d'autres personnes s'en servent avec un grand succès. Pourquoi ne pas appliquer à votre cas concret les indications ici conseillées? C'est une pratique très simple, accessible à tous. Appliquez cette méthode. S'agissant d'une formule si peu coûteuse, et sans contre-indication ni effets collatéraux négatifs, je n'ai d'autre but que celui de soulager la souffrance des malades, et des personnes directement ou indirectement en rapport avec elles, parfois impuissants face à ce problème énorme. Si quelques-uns ont guéri tirant profit de cette méthode simple et économique, pourquoi ne pas offrir cette même opportunité à plusieurs personnes? Voilà mon seul objectif. Je n'ai pas la prétention de présenter une méthode magique. En outre, étant conscient de la valeur de cette méthode, je ne veux pas la garder secrètement, ou m'en servir pour mes propres avantages, ce serait une attitude égoïste. L'idée est d'informer les gens de l'existence d'une formule, qui peut faire guérir du cancer, car elle a été déjà utilisée, d'offrir enfin une méthode à la portée de tout le monde, de façon que les personnes intéressées puissent s'en servir. Ce petit livre explique comment mettre en pratique cette possibilité, pour qui le veut. Je n'ai pas l'intention, enfin, de mettre de côté les médecins bien méritants ou, encore pis, de discréditer toutes les études scientifiques réalisées pour résoudre le problème du cancer, le soi-disant mal du siècle. Toutes les recherches faites dans la lutte contre ce mal sont dignes des plus grandes louanges, d'où qu'elles viennent. Tout ce qu'on a fait, et qu'on fera pour la recherche de la solution définitive du problème, est toujours valable et cela mérite tout notre soutien et notre considération. Nous souhaitons que, par l'approfondissement continu de ses recherches, l'homme puisse atteindre le domaine total et absolu de ce mal, source d'angoisse depuis longtemps pour l'humanité. Aidons-nous tous dans cette guerre commune, qui accable tout le monde et qui doit nous impliquer tous. Je voudrais prêter ma modeste collaboration, dans le but de soulager la souffrance atroce de l'homme, similié face au malheur des interventions chirurgicales, et de ses applications qui le défigurent, en supposant que ce soit là, la seule issue dans la phase actuelle de la médecine conventionnelle. Je voudrais épargner aux malades de cancer, les conséquences exténuantes de l'emploi de la radiothérapie, de la chimiothérapie, un véritable bombardement de l'organisme, et d'autres techniques du même type. Le système qu'on présente ici est infiniment moins coûteux, sans douleur, naturel, quiconque peut l'appliquer en restant chez soi. Et les résultats ont été tellement satisfaisants que les personnes guéries, même si malades d'un cancer en phase terminale, dans l'espace de 2 ou 3 mois, ont repris leur vie normale, même avec plus de vigueur, dirais-je, une meilleure qualité de vie, peut-être parce qu'elles ont pu expérimenter de nouveau la joie de vivre, quand tout leur semblait irrémédiablement perdu. Je voudrais que cette formule soutienne toutes les autres méthodes déjà connues et celles qu'on découvrira, pour faire front et extirper définitivement le mal de la face de la Terre. Ce livre, dans sa simplicité et sa clarté extrême, veut donc être une trace, un signe pour celui qui doit affronter le terrible mal du cancer, et d'autres maladies dégénératives. Mon ami, si une personne que tu chéris, a cette mauvaise maladie, en plus des traitements conventionnels auxquels il a eu recours, met à sa disposition cette facile méthode de soins aussi. Elle peut fonctionner. Elle doit fonctionner. D'innombrables fois et la porter à la vraie guérison, en sauvant des vies. Oh! Si seulement les statistiques pouvaient parler des guérisons obtenues dans les 5 continents. Tenter ne coûte rien. On ne perd rien et on peut sauver une vie. Mon lecteur, ma lectrice, mon fort désir est que, suivant cette méthode, simple et économique, toute naturelle, sans contre-indication, tu puisses redonner la santé à la personne que tu aimes, afin qu'elle puisse reprendre sa vitalité, avec une joie doublée, car elle a vu s'éloigner d'elle le spectre de la mort imminente, cette mort qui semblait inévitable. Toi, par conséquent, tu éprouveras l'euphorie indescriptible d'avoir vaincu ce qui semblait supérieur à tes forces. Ce sera comme si tu avais transmis de nouveau la vie à la personne guérie, tu l'auras conduite à partager encore la vie avec les autres êtres vivants. Et toi, tu chanteras en toi-même, que le Seigneur soit béni qui a mis à la disposition des hommes tant d'herbes et de plantes utiles pour combattre les maladies, afin que la vie continue et qu'elle continue dans la santé. L'auteur. Si vous ne connaissez pas l'aloès, ou que vous ne sachiez pas qu'il y en a de plusieurs types, les variétés classées sont 300, 400, sans parler des centaines qui sont encore à classer, ou bien qui n'ont pas encore été soumises à des études ou à des recherches, si vous doutez au moment du choix de la plante, illustrée dans la couverture de ce livre. Vous aurez vite la réponse, la voici. L'aloès qui est illustré en couverture est l'aloès arborescent. Des arborescents, il y en a une vingtaine de variétés, l'arborescent est l'espèce la plus diffusée au Brésil et on en trouve partout. Quand dorénavant je parlerai simplement d'aloès, je me référerai toujours à la variété arborescent. Selon le docteur Aldo Facetti, physiotechnicien et herboriste, qui m'a interviewé pendant plus d'une heure à TV Riviera, télévision couvrant le territoire de Masse, Via Reggio, Lucques, Pise, Carrara, nous garantit que l'aloès vrai ou barbadensi, nous offre 40% du principe actif contre le cancer, tandis que l'arborescent en aurait 70%. Pour faciliter la recherche de la recette, on l'a illustré dans la dernière page de couverture du livre, de façon qu'on puisse la consulter, ou la dicter par téléphone en cas de demande.